le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Staline aimait-il lire énormément, et cela depuis sa jeunesse. Il a été formé à l'école de Gori, en Géorgie, sa ville natale, puis il a étudié au séminaire de Tbilissi, toujours en Géorgie. Il lisait beaucoup, oui, sans doute, comme nombre de ses contemporains. Mais que lisait-il? La presse, évidemment, puis les grands classiques aussi. Ah, et puis les ouvrages qui ont construit sa pensée, Marx, Engels, enfin, les a-t-il bien compris? Ça, c'est autre chose. A-t-il lu le Livre Noir, un ouvrage constitué à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour documenter la destruction des Juifs dans les territoires soviétiques conquis par les nazis? Un livre qui recueille des textes, des témoignages, un livre utilisé par Staline pour dénoncer les crimes nazis, puis interdit au point que ses auteurs eux-mêmes, à leur tour, sont persécutés, prêts à tout pour affermir son pouvoir jusqu'au crime de masse. Si Staline a bien lu le Livre Noir, il a très bien compris ce livre et les dangers qu'il représentait. Qu'est-ce que le Livre Noir? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Guillaume Ribaud, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes réalisateur, photographe et vous êtes co-auteur avec Antoine Germain qui est avec nous. Bonjour Antoine Germain. Bonjour. Du documentaire Vie et Destin du Livre Noir, la destruction des Juifs du RSS, donc qui sera diffusé dimanche, le 13 décembre sur France 5, dans l'émission La Casse du Siècle. Dites-nous, c'est quoi ce Livre Noir? Guillaume Ribaud. C'est le premier vrai document qui documente le génocide. C'est un document réalisé en direct par un certain nombre d'auteurs, chapeauté par Vassili Grossman et Ilia Ehrenburg. C'est un document de 1000 pages. C'est un document, un livre, qui est même difficile à lire tellement il est gorgé, rempli de tout ce qui a fait la destruction des Juifs du RSS. Et c'est un livre qui a un destin lui-même. Quand vous intitulez votre film documentaire « Vie et destin du Livre Noir », le personnage central de ce film documentaire est le Livre Noir. Ce livre qui est constitué pendant la Seconde Guerre mondiale a un destin, il est ensuite interdit. Antoine Germain, le moment qui consiste à étudier la rédaction du Livre Noir n'est qu'une partie de votre film. C'est-à-dire que vous analysez tout le... Avant, les massacres, mais c'est d'ailleurs absolument terrifiant que les nazis effectuent dans la partie soviétique qu'ils occupent. Et puis, le après, il y a une longue histoire de ce Livre Noir qui nous conduit, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui. Exactement, c'était un peu le défi et puis l'intérêt du film, c'est-à-dire de prendre cette histoire très modeste finalement de ce livre et d'arriver à tirer un fil rouge qui nous permette de saisir à la fois durant la Seconde Guerre mondiale, l'usage et puis même l'instrumentalisation que Staline a pu faire de la Shoah, et voir ensuite, grâce justement aux différentes censures, aux emprisonnements qui vont suivre justement la rédaction du Livre Noir après-guerre, voir la mémoire de la Shoah en URSS. Car ce qu'on voit, et ce qui est absolument terrible et fascinant, c'est que très vite après-guerre, finalement, Staline enterre la mémoire de la Shoah. Et l'histoire du Livre Noir nous permet de continuer même après Staline pour voir comment les autorités finalement soviétiques vont jouer avec cette mémoire de la Shoah, justement en toujours l'enfermant jusqu'à finalement la chute de l'URSS. Et c'est après la chute de l'URSS que le livre va être publié. Et donc c'est cette longue histoire qu'on voulait suivre et raconter surtout avec l'histoire du Livre Noir. Et puis avec nous également aujourd'hui, Cécile Vessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'études russes et soviétiques à l'université Rennes 2, autrice notamment d'un ouvrage intitulé « Les ingénieurs des âmes en chef, littérature et politique en URSS », donc de 1944 à 1986, publié chez Belin. Justement, le titre de votre livre « Les ingénieurs des âmes en chef », vous pouvez nous l'expliquer s'il vous plaît? En fait, c'était Staline qui avait décidé, en suivant les préceptes de Lénine, d'instrumentaliser la littérature pour ce qui était au cœur du projet soviétique, c'est-à-dire construire un homme nouveau qui construirait le communisme. Et quand il commence vraiment à mettre ce principe en place, c'est-à-dire fin des années 20, début des années 30, il va dire les écrivains sont des ingénieurs des âmes, c'est-à-dire en fait ils doivent, on dirait aujourd'hui, reformater l'homme russe, l'homme de Russie, juif ou autre, et en faire un homme soviétique. faire un homme soviétique, et nous sommes avant la Seconde Guerre mondiale, au oui. moment où il y a une volonté d'utiliser les intellectuels, les penseurs, pour former un homme nouveau. Mais quand éclate la Seconde Guerre mondiale, ces hommes nouveaux sont confrontés à des informations qui leur viennent directement des zones occupées par les nazis. C'est une horreur, lettre d'un soldat envoyée à un journaliste. Dès le début de l'occupation, les pillages ont commencé. Les Allemands et les policiers locaux prenaient tout, la literie, le linge, la vaisselle et les meubles. Ils s'introduisaient dans chaque demeure, chassaient les Juifs de chez eux et les envoyaient travailler de force. Dans une bourgade voisine, on a obligé les Juifs à creuser une grande fosse. Puis on les a fusillés. Nous voulons croire que c'est un cas isolé. Lettre d'un soldat envoyé à Ilia Ehrenbourg. Alors, c'est un extrait de votre film, hein, Vie et destin du livre noir, La destruction des Juifs du RSS, Guillaume Ribaud. Ce personnage, Ilia Ehrenbourg, donc ce journaliste, écrivain, quelqu'un d'important, est au cœur du film. Ils sont plusieurs, c'est une histoire tressée. C'est pour cela aussi que nous sommes captivés en regardant votre film. Qui est Ilia Ehrenbourg? Ilia Ehrenbourg, c'est un soviétique particulier parce que il a passé le plus de temps en France que dans en URSS, et ça c'est très rare. C'est un dandy, c'est un ami de Chagall, de Picasso. Picasso a d'ailleurs fait son portrait de Sandrart. Il aime la vie de bohème à Paris, et il a la confiance de Staline. Pour Staline, Ehrenbourg est celui qui pourra le mieux expliquer à l'Ouest ce qu'est ce pays-là. Et c'est un écrivain extrêmement connu, très apprécié, et qui est partout. Il est partout dans l'histoire. Il est pendant la guerre d'Espagne, il est là-bas. Il comprend très vite, il est à Berlin pendant la montée du fascisme. Il comprend très vite ce qui va arriver. Et c'est pour ça que c'est un des personnages majeurs du film. Ils sont trois, mais lui, il est vraiment à l'origine de tout. Et il comprend tout. C'est quelqu'un qui comprend très tôt, très vite. Et puis on lui écrit, hein, c'est ce que nous venons d'entendre comme extrait, les soldats lui écrivent parce que il devient journaliste pendant la guerre et il est une voix, il va porter la voix de ce qui est en train de se passer. Il faut rappeler hein, toujours que les événements vont très vite, le manque d'informations. Aujourd'hui nous avons ce recul qui nous permet l'analyse. Mais sur ce moment terrifiant de la guerre, il faut diffuser l'information. Oui, c'est ça, et c'est parce que il est extrêmement écouté et lu qu'il devient un personnage important de l'histoire et de notre film. Il est accompagné par Vassili Grossman, qui, comme lui, ce sont eux qui, au sein des journaux de l'armée rouge, Krasnaya Zvezda, par exemple, où ils sont au plus près. On leur envoie les lettres, comme vous venez de le dire. Ils savent très tôt, très vite, beaucoup de choses. Dès août 1941, Ilia Ehrenbourg sait que l'extermination des Juifs a commencé. Et c'est pour ça qu'ils font cet appel aux Juifs du monde entier très vite sur les ondes de Radio Moscou. Donc on peut dire d'Ilia Ehrenbourg qu'il est au centre, au cœur de notre film et de l'histoire. Cécile Vessier, sur ce panorama que vous pouvez dresser du monde intellectuel au moment où il y a l'invasion de l'URSS par les nazis, alors que pourtant une alliance avait été signée auparavant entre Staline et Hitler, comment pouvez-vous construire la position des uns des autres, et notamment de ces gens que nous citons, Vassili Grossman, Ilia Ehrenbourg, juifs, qui sont soucieux de ce qui se passe dans, ben, on va dire, ces territoires conquis qui correspondent à l'Ukraine principalement? Oui. Alors, je dirais d'abord, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que en Union soviétique, juif était une nationalité sur le même plan que, par exemple, russe ou ukrainien. Donc, il y a une espèce de division qui se fait. Mais dans les années 20 et 30, il n'y a grosso modo pas d'antisémitisme d'État. Il y a peut-être un antisémitisme du quotidien, mais il n'y a pas d'antisémitisme d'État. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, comme Vassili Grossman, qui est né en Ukraine, qui écrit en russe et qui est juif, il se sent absolument soviétique, et ce qui va être très très important pour ses réactions d'ailleurs après la guerre surtout. Et il construit son pays, il participe. Ehrenburg, effectivement, c'est un autre cas parce que Ehrenburg voyage, Ehrenburg parle français, Ehrenburg a des informations partout. Et quelqu'un comme Michaels, qui est le troisième personnage, qui est un metteur en scène, un acteur immensément connu, avec lequel collabore entre autres Chagall, c'est quelqu'un qui se dit, bon, on peut maintenant, dans cette espace russe débarrassé de l'Empire, on peut construire une culture juive sans antisémitisme et une culture juive qui s'insère dans le créneau mondial. Et effectivement, quand ils ont ces informations, surtout Ehrenburg, surtout Grossman, je veux dire, qui travaille dans la presse du front, quand ils ont ces informations, c'est quelque chose d'inconcevable. Et Ehrenburg va jouer, Guillaume l'a dit, un rôle majeur pour informer les soviétiques, auxquels pendant 20 ans on a dit qu'il n'y aurait plus de guerre contre des nations, il n'y aurait que des guerres contre les classes. Donc il va falloir, et c'est ce que va faire Ehrenburg, répéter en permanence il faut tuer les nazis, il faut tuer les nazis, parce que sinon c'est eux qui sont en train de nous tuer. Antoine Germa, vous êtes historien, scénariste, notamment avec Guillaume Ribaud de ce film Vie et Destin du Livre Noir. Vous avez participé avec Benjamin Lelouch et Evelyne Platelagent à l'ouvrage Les Juifs dans l'Histoire de la naissance du judaïsme au monde contemporain, publié chez Champvallon. Justement, il est très intéressant de regarder comment les Juifs du RSS, proches de Staline, nous sommes bien ici dans des personnages vraiment mis en avant par le régime, prennent conscience au moment des massacres perpétués par les nazis qu'il faut agir en tant que juif, mais pour l'URSS. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe que vient de soulever Cécile Vessier. Alors, ce qui est quand même extraordinaire quand on lit les textes et quand on suit une chronologie fine, c'est qu'en fait, l'opération Barbarossa, ça commence en juin 41, et comme l'a dit Guillaume, le premier appel est lancé en août 41, c'est-à-dire que ces gens-là comprennent tout de suite ce qui arrive, comprennent tout de suite la nature des massacres, c'est-à-dire qu'ils visent spécifiquement les Juifs et l'ampleur de ce qui se passe. Michaels dira en août 41. Il va dire en août... Alors, on vous a un tout petit peu perdu, Antoine Germain, mais ce qui va nous permettre d'illustrer vos propos, justement... Il y a Ehrenburg ou encore Vassili Grossman savent ce qui se passe. Ils veulent diffuser l'information. Vassili Grossman liste les personnes que les nazis veulent massacrer. Massacrer les épouses fidèles à leur mari et massacrer les femmes légères. Massacrer les nourrissons tétant avidement le sein maternel jusqu'à la dernière minute. Massacrer les grands-mères qui n'étaient plus capables de rien, qui savaient seulement aimer leurs enfants et petits-enfants. Massacrer les artisans, tailleurs, chapeliers, bottiers. Massacrer les ébénistes, les porteurs d'eau, les boulangers, les ingénieurs, les architectes, les comptables, les caissiers. Massacrer les vieillards aux yeux ternis par la cataracte et aux voix presque inaudibles chuchotant comme du papier blanc. Les auditeurs, les auditrices de France Culture ont reconnu cette voix, c'est Mathieu Amalric, mais dans ce film Vie et Destin du Livre Noir, il y a également Denis Podalydès, il y a Hippolyte Girardot qui porte les voix de ces personnages, Vassili Grossman, il y a Ehrenburg et d'autres. Dans l'idée de mettre en place un livre noir, c'est-à-dire de recueillir les témoignages pour dénoncer les crimes nazis, il y a évidemment, dès le début, un soutien de Staline, au sens où Staline est conscient que ce livre noir va lui être utile, Guillaume Ribaud. Oui, tout à fait. Staline comprend très vite que pour les procès à venir, parce que il comprend très vite que lors de la contre-offensive, qu'il va falloir préparer ce qui va arriver ensuite, et il faut dénoncer les crimes des nazis. Donc le livre noir, lui, est sur le plan géostratégique extrêmement important, très rapidement. Donc il soutient le recueil des témoignages à travers le travail de 38 écrivains, donc chapeauté par Ilya Ehrenburg et Vassili Grossman. Et au début, Staline soutient tout le monde. Il soutient la création du comité antifasciste juif, dont le Solomon Michaels va devenir le président. Il soutient une tournée aux États-Unis où Solomon Michaels et Zeke Pfeiffer vont lever des fonds à travers une tournée complètement inattendu, où à New York, par exemple, dans le stade de baseball du Polo Grounds, Solomon Mirrols fait lever une foule de 50 000 personnes, et il rentre en URSS pour les fonds. Donc Staline a tout à gagner à la rédaction de ce livre noir rapidement. Et puis pour rédiger un livre, il faut une organisation. Il y a parfois un auteur seul qui travaille, ou un journaliste hein, même, qui va faire une enquête. En l'occurrence là, il y a un comité qui s'organise. Cécile Vessier, comment se construit ce comité des écrivains juifs, et même au-delà des écrivains juifs ? Alors, en fait, ça, c'était une pratique relativement répandue, justement, à partir du début des années 30. C'est-à-dire que il y avait eu toute une sorte de réflexion idéologique imposée en disant, d'une certaine manière, l'auteur doit disparaître, donc il faut travailler en collectif. Donc, ça s'inscrit dans des collectifs qui existaient auparavant pour faire des récits, par exemple, sur l'histoire d'une usine ou l'histoire d'une région. Et là, effectivement, ce collectif, il va se constituer avec pour base ce qui deviendra la commission littéraire du comité antifasciste juif, et qui va en fait rassembler et réunir des gens relativement très différents, dont tous les textes ne seront pas publiés, mais beaucoup d'entre eux sont des journalistes. C'est-à-dire que Staline a fait mobiliser aussi par le comité central quasiment tous les écrivains qui étaient en état d'écrire pour qu'ils écrivent autour de la guerre. Donc ça, au-delà, je dirais, des seuls juifs. Et ils sont tous en train d'écrire des poèmes, des pièces pour justifier la défense et pour justifier l'attaque. Et dans ce cadre-là, on a effectivement des affectations dans des revues, donc les revues de l'armée ou les Izvestia ou la Pravda. Et donc les gens vont sur place, font des reportages, et c'est à partir de ça que sera constitué ce livre noir. Avec certains auteurs bien plus impliqués que d'autres, effectivement. Oui, des auteurs bien plus impliqués que d'autres. Et justement, dans la réalisation d'un film, il y a un procédé de narration, mais qui est la base hein, de tout ouvrage. D'ailleurs, l'historien, l'historienne est un narrateur aussi. Il raconte ses événements, il les analyse aussi. Et vous, Antoine Germain, vous êtes scénariste. Quel choix avez-vous fait ? Quel personnage avez-vous mis en avant dans ce film ? Comme on l'a dit, il y a trois grands personnages, c'est-à-dire Salomon Mirrols, Elia Ehrenburg, et puis il y a Vassili Grossman. Et Vassili Grossman, c'est un peu la pierre angulaire de notre film, par pour plusieurs raisons. D'abord, la force littéraire de ses textes, c'est-à-dire que ça vibre énormément, il y a une émotion qui transparaît dans chaque texte. Émotion pourquoi ? Parce que la quête politique de Vassili Grossman, hein, c'est-à-dire d'informer justement d'abord sur le front et puis après sur ce qui arrive aux Juifs, se double d'une quête personnelle. C'est que Vassili Grossman ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère. Sa mère était à Berdichev, en Ukraine, il n'a pas pu la ramener à temps hors du front, et il va vivre toute la guerre avec cette question: que lui est-il arrivé? Il sait que les nazis étaient à Berdichev, il sait que les juifs ont été massacrés à Berdichev, et ça va tenir toute la guerre. Et lorsqu'il arrive lui-même à Berdichev, il va découvrir que sa mère a été exterminée comme les autres, assassinée au tout début des exactions en 41. Et ça, c'est un drame personnel qui va le bouleverser toute sa vie ensuite, et qui est une espèce de fil rouge de ce film. C'est-à-dire que nous, on a toujours voulu mêler la grande histoire et l'histoire intime, et c'est ce qu'on retrouve chez tous nos personnages finalement dans ce film choral. Et Vassili Grossman est un peu notre boussole finalement dans ce film. C'est une boussole avec donc ces deux autres personnages, il y a Ehrenburg et Salomon Mirrols, qui est un personnage extraordinaire. Alors là, nous ne sommes plus dans le monde uniquement de l'écriture, nous sommes dans celui du théâtre. Il faut rappeler, Guillaume Ribault, combien Salomon Mirrols est une vedette, mais nous ne pouvons pas imaginer combien il était connu en URSS à ce moment-là. Oui, Xavier, vous avez raison. Salomon Mirrols, je pourrais le comparer à l'aura de Gérard Depardieu à un moment de notre histoire cinématographique. Il est connu de Moscou à Vladivostok, parce que il joue dans des films extrêmement connu, et le cinéma est un vecteur très important en URSS. Il tient des rôles majeurs. Par exemple, il joue dans en 1925 dans Le Bonheur juif. Il est chaplinesque, il n'y a pas d'autre terme. C'est un film extrêmement solaire, extrêmement ouvert vers la judéité et en même temps ouvert vers le public non yiddishophone, seulement Mirols, et Staline l'appelait tout simplement le juif principal du RSS, parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'écoute, le public moscovite va au théâtre national yiddish à Moscou, même s'il ne parle pas la langue, pour voir, Cécile Vessy le notait tout à l'heure, c'est Marc Chagall qui fait les décors au théâtre juif, Solomon Mirols, il y a de la musique, il y a des chants, il y a des danses, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, et Solomon Mirols est extrêmement connu, c'est quelqu'un de majeur, et de surcroît, c'est un acteur de talent. Un des critiques anglais de théâtre les plus connus a dit de lui qu'il fait partie des 5 rois lires les plus importants de toute l'histoire théâtrale. Et j'ai eu la chance, en préparant ce film, de tomber sur une captation de 1935 où Solomon Mirols joue le roi lire en yiddish. Et ça m'a guidé tout le long de la création de ce film, parce qu'il a une puissance théâtrale et tragique majeure. Et cette histoire, cette tragédie du roi Lear, ressemblait finalement à la tragédie du peuple juif en URSS, la tragédie du livre noir, de l'histoire du livre noir. Et Solomon Mirols, c'est vraiment un personnage central, hein. Vraiment, c'est quelqu'un de très important. Solomon Mirols, Vassili Grossman, Ilia Ehrenburg. Ici, c'est le roi lire. Ici, ce sont des livres, des réflexions. Et puis, pour tous, la volonté de construire un monde nouveau, de construire peut-être un homme nouveau. Sauf que là, il y a la guerre et elle est terrible. Stalingrad. Tandis que toute la partie méridionale de la ville est entre les mains des troupes allemandes, les combats se poursuivent devant la partie nord qui s'étend le long de la Volga sur une longueur de 20 km. Les assaillants attaquent 3 grandes usines transformées en bastions. De profonds ravins sillonnent certaines parties des faubourgs. Vraie ville morte, Stalingrad est en ruine. D'après un témoin, on s'y bat de maison en maison selon des procédés de guerre civile. La bataille de Stalingrad dans les actualités françaises le 16 octobre 1942. Donc, à préciser que ce sont les actualités françaises, donc vraiment collaborationnistes, et qui ont du mal à cacher qu'il est difficile pour les Allemands d'avancer à Stalingrad. Ce moment Stalingrad est important parce que un de nos héros, un de ceux dont nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Vassili Grossman, est envoyé à Stalingrad. Et nous voyons déjà une brèche dans le soutien que Staline peut apporter à ses écrivains juifs qui veulent dénoncer les crimes nazis, qui veulent constituer un livre noir. Que se passe-t-il à Stalingrad, Guillaume Ribaud ? À Stalingrad, en fait, Vassili Grossman acquiert ses lettres de noblesse. Il faut vraiment savoir que Vassili Grossman est un journaliste, un écrivain d'avant-guerre, mais il est surtout un homme du front, un frontovik. Ça, c'est très important. Et il acquiert le respect de tous les soldats, absolument tous les soldats. Il a passé toute la guerre en première ligne au front. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite des événements personnels lors de l'arrestation et de l'emprisonnement des autres rédacteurs du Livre Noir. Lui arrivera à y échapper. Mais à Stalingrad, c'est dit dans le film, à un moment, son rédacteur en chef lui dit « Il va falloir expurger l'étoile rouge, Krasnaya Zvezda. Il y a trop de juifs dans la rédaction. » Et c'est la première fois que Vassili Grossman, en fait, homme soviétique, fervent soutien du parti, comprend qu'en fait sa judéité qu'il rejette, qu'il n'y a aucun intérêt pour lui, va lui causer des torts, et il n'assiste même pas à la victoire de Stalingrad, alors qu'il a suivi quasiment tout le conflit depuis les égouts, depuis les bâtiments où étaient les soldats, etc. Donc on lui fait cet affront de l'envoyer sur un front secondaire pour suivre le reste de la guerre. Donc oui, à ce moment-là, il y a une première fissure dans le soldat Grossman, le journaliste Grossman, et on lui fait comprendre que non, pour lui, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça, parce que Staline lui reproche de ne pas parler assez de lui dans ses écrits. Ça, c'est assez terrible. Oui, il faut parler de Staline, toujours parler de Staline. Et justement, pour rebondir à ce que vous venez de dire, Guillaume Ribaud, je me retourne vers vous, Cécile Vessier. Il faut rappeler combien nous parlons de journalisme. Nous sommes face à des écrivains. Les écrits de Vassili Grossman sont essentiels, ceux d'Ilia Ehrenburg aussi. Mais Vassili Grossman, par exemple, de son vivant, quand il rapporte des nouvelles du front, il est extrêmement lu, populaire, et aujourd'hui, on peut le lire encore. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces récits de guerre, le peuple est immortel ou le vieil instituteur sont des choses qu'on peut lire et qu'on comprend dans une évolution. Et c'est vrai que à Stalingrad, donc il est présent, il suit tout, il écrit des reportages sur lesquels se jettent tous les lecteurs d'Union soviétique. Et puis ça va être la base aussi de ces deux romans à venir qui vont être au cœur aussi de problèmes, c'est-à-dire vie et destin, et puis ce qui est considéré comme la première partie de Vie et destin, donc Pour une juste cause, qui raconte à la façon Grossman cette bataille de Stalingrad. Et quand je dis à la façon Grossman, on a pu parler d'une sorte de guerre épée soviétique, c'est-à-dire une fresque où il se penche vers chaque individu, où il regarde absolument des centaines de personnes en les regardant de manière absolument individuelle. Et ça, il va avoir toute une série de problèmes après la guerre à cause de ça. Il va avoir des problèmes après la guerre à cause de ça. Et justement, le moment où Staline utilise ses écrivains, ses artistes, de façon à affermir son pouvoir, et notamment en les laissant écrire sur le livre noir pour qu'il note, qu'il recoupe tous les témoignages des crimes nazis, eh bien, dans ce contexte-là, Staline autorise même certains d'entre eux à partir aux États-Unis, ben oui, pour aller parler à la communauté juive des États-Unis. Et aux États-Unis, il rencontre Paul Robeson, un artiste magnifique qui chante Old Man River. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plants them is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Hope that barge, lift that veil, get a little drunk and you land in jail. I get weary and sick of trying, I'm tired of living and feared of dying. But old man River, he just keeps rolling along. Paul Robeson, Old Man River, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Valla, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Mais que vient faire Old Man River ici? Ce personnage de Paul Robeson est vraiment intéressant parce que il est noir, il est américain, mais il est communiste, donc il accueille ses écrivains juifs qui viennent pour solliciter les communautés juives des États-Unis, une demande en aide, hein, tout simplement, mais avec le soutien de Staline. Antoine Germa. Ou alors Guillaume Ribaud. Oui, bien sûr, Antoine a dû avoir un petit problème technique. Oui, Paul Robeson est quelqu'un d'extrêmement intéressant. C'est un, vous le disiez, un afro-américain communiste et qui rencontre Edith Pfeiffer et Solomon Mirrols lors de la tournée américaine de levée de fonds. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ensuite, il est invité à Moscou. Il donne des concerts. Il est vraiment très, très, très apprécié. Et lorsque plus tard Paul Robeson retournera à Moscou après-guerre, il demandera des nouvelles de ses amis qui auront disparu pour suite aux décisions de Staline de d'arrêter la publication du livre noir et de purger les milieux intellectuels juifs après-guerre. Et il viendra, il demandera des nouvelles de ses amis. Il dira mais où est Mirrols? Mirrols a eu un accident de voiture. Paraît-il, et où est Pfeiffer, l'autre ami rencontré. Pfeiffer croupit en prison dans les sous-sols de la Lubyanka, on le sortira, on le maquillera assez rapidement pour qu'il puisse le rencontrer, et d'un geste du doigt, il comprendra que les autres sont il fera comprendre à Robeson que les gens sont morts. Et bizarrement, lorsque Robeson rentrera aux États-Unis, il ne dira rien de ce qui est arrivé aux membres du comité antifasciste. Donc c'est un personnage très intéressant, et puis il nous met au cœur finalement de pourquoi les gens n'ont pas parlé, pourquoi les gens n'ont pas dit ce qui est arrivé, parce que c'était su, C'est très étonnant. C'était su, c'est très étonnant. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au film documentaire Vie et destin du livre noir, la destruction des juifs du RSS, quand un livre noir soutenu par Staline est rédigé, oui, un ouvrage pour collecter les témoignages qui prouvent les crimes nazis. Mais nous avons entendu déjà qu'il y a quelques failles. Vassili Grossman, au moment de la bataille de Stalingrad, accusé de ne pas citer assez souvent Staline. Ou là, nous évoquons Paul Robeson, qui, alors là, est un Américain. Donc, c'est pas bien d'être lié à un Américain, même s'ils sont communistes. Comment bascule tout doucement la perception de Staline d'un comité d'écrivains juifs peut lui être utile à quelque chose qu'il considère comme des ennemis? Cécile Vessier. Alors, effectivement, on voit en fait réapparaître en Union soviétique un antisémitisme. C'est-à-dire que c'est Staline, mais c'est aussi un certain milieu qui s'active. Il n'est pas tout seul, même si effectivement il coiffe tout. Et on voit réapparaître cet antisémitisme qui va faire justement qu'on demande à Grossman de quitter les lieux parce que on veut que celui qui parle de la victoire finale soit un écrivain russe. C'est-à-dire que on fait la différence et soit le chouchou de Staline, Simonov. On fait la différence et on voit dès cette période dans les archives du comité central, on voit des lettres disant « Ah oui, mais regardez, dans tel théâtre, dans telle revue, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de juifs. » C'est-à-dire que cet antisémitisme est en train de monter et pas simplement chez Staline. Et Staline, lui, de son côté, il voulait quoi? Il voulait instrumentaliser les juifs pour avoir notamment de l'argent américain. C'est-à-dire que lui, dans sa vision des choses, c'était pas tellement les malheurs juifs qui pleuraient, c'était « je veux avoir de l'argent des Américains pour pouvoir m'acheter des tanks, des armes, etc. etc. » Et ça, à la fin de la guerre, il n'en a plus besoin. Et il y a, je dirais, au moins deux moments qui sont qui marquent une bascule et une bascule qui, encore une fois, je dirais, dépasse la simple personne de Staline, mais qui s'articule autour de lui. C'est quand... En mai 45, il va, le 24 mai, il convoque un grand banquet au Kremlin pour fêter la victoire. Et il fait ce très célèbre toast au peuple russe, où il dit ça, le seul toast où en fait il reconnaît ses erreurs du début de la guerre, et où il dit, voilà, un autre peuple ne nous aurait pas pardonné, mais notre peuple nous a pardonné, et nous devons la victoire à qui ? Au peuple russe. Et quand il dit russe, ça veut dire qu'il n'inclut pas les Ukrainiens, il n'inclut pas les Juifs, il n'inclut pas les Tchétchènes, il n'inclut pas les Ouzbeks. C'est le peuple russe parmi les peuples soviétiques. Et à partir de ce moment-là, on va avoir presque l'officialisation d'un nationalisme russe qui se greffe sur le nationalisme soviétique. Et on dit que lorsqu'il a entendu ça, Ehrenburg, qui était présent, s'est mis à pleurer. Parce que toute sa vie, cet homme qui par ailleurs pouvait être cynique, pouvait être très habile, très politicien, presque machiavélique sur certains points, mais qui avait vraiment mis sa vie en jeu pour lutter contre le nazisme et qui était détesté par Hitler, qui connaissait son nom, qui connaissait ses écrits. Et cet homme qui se met à pleurer en se disant « J'ai tellement fait pour cela » et en fait, on rend hommage au peuple russe. Et un deuxième point qui s'est passé en fait juste avant, c'est que juste avant la victoire et juste avant la prise de Berlin, il y a eu un phénomène presque un petit peu similaire à ce qui s'est passé à Stalingrad avec Grossman, c'est-à-dire qu'il va y avoir en avril 45 un grand article dans la presse qui démonte Ehrenburg. En disant, mais Ehrenburg déteste les Allemands, c'est pas bien, il exagère, il caricature, etc. On sait que la guerre est quasiment finie, on sait que Berlin va tomber. Et on a cet article qui va avoir des conséquences terribles pour Ehrenburg, c'est-à-dire qu'on voit très bien dans le film, Grossman va aller jusqu'à Berlin, il va voir Berlin tomber. Ehrenburg ne sera pas à Berlin. Ehrenburg qui sera à Nuremberg par la suite, parce que les choses se seront tassées. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, de la part de Staline et de la part de la direction soviétique, on écarte des gens qui ont joué un rôle actif dans la victoire, et on écarte une personnalité telle qu'Ehrenburg, qui justement a mis en avant aussi certains aspects que l'on préférera oublier, c'est-à-dire le martyr juif et la participation des juifs à la victoire. Et puis, il y a dans ces aspects qui posent problème, au moment de collecter tous les témoignages des crimes commis par les nazis, et la prise de conscience que la population locale russe ou ukrainienne n'a pas toujours été en opposition avec ce que faisaient les nazis. Ce sont des éléments majeurs pour comprendre pourquoi ce livre noir est écarté, avec un paradoxe étonnant, c'est que ce livre noir, ou en tout cas ce qui va servir à la rédaction du livre noir, est utilisé lors des grands procès, Nuremberg notamment. Pourquoi ? Eh bien, tenez, par exemple, parce que Vassili Grossman est l'un des premiers à découvrir Treblinka, un des premiers à voir le lieu génocidaire. C'est un extrait du film Vie et destin du livre noir. Nous marchons sur la terre de Treblinka. L'usine à supplice avait fonctionné 13 mois. Puis les Allemands avaient mis 13 mois à tenter d'en effacer les traces. La terre régurgite des os broyés, des dents, des objets, des papiers. Elle ne veut pas garder ses secrets. La terre bouge sous nos pas, enflée, grasse comme arrosée d'huile de lin. La terre sans fond de Treblinka. C'était donc vrai. L'espoir ultime que ce ne fut qu'un rêve s'écroule. Un sentiment à vous crever le cœur, serré par une telle tristesse, une telle peine, une telle angoisse qu'un être humain n'est pas à même de le supporter. Vassili Grossman, c'est la voix de Mathieu Amalric. Quand je vous disais que Vassili Grossman est un auteur à lire, Antoine Germa, il y a l'utilisation de ces témoignages collectés par Vassili Grossman, il y a Rimbaud, enfin plein d'autres, lors des grands procès. Mais dans ces témoignages, il y a des choses qui déplaisent à Staline. C'est là aussi qu'il y a ce gros problème pour Staline du livre noir. Exactement, c'est-à-dire que, et vous l'avez évoqué, le problème de la collaboration, notamment des populations, des Lettons ou des Ukrainiens aux exactions nazies, est un problème extrêmement grave pour Staline, parce que ça voudrait dire que les Ukrainiens ou les Lettons n'ont pas soutenu la grande patrie soviétique. Et donc ça, c'est tout de suite un problème qui est soulevé. On dit, on envoie des notes, la relecture, les comités de censure envoient des notes aux auteurs du livre noir en disant « attention ». On insiste trop sur les collaborations. Autre chose qui est très intéressant, c'est que très vite, et on voit qu'en fait c'est un pis-aller, c'est un argument en fait un peu fallacieux, mais c'est intéressant parce qu'il va revenir plusieurs fois. On dit ce livre est parfois un peu obscène, justement dans ce qu'il décrit. Il décrit trop les violences, c'est trop dur. Alors que pourtant, c'est précisément l'objectif du livre noir, c'est de décrire ce qui est arrivé réellement aux populations juives. Et on voit bien que là se greffe, en fait, ce qu'a expliqué Cécile Bessier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une peur centrale, en fait, aussi chez Staline, qui est de dire, oui, avec toutes ces exactions qui ont été commises contre les juifs, il y a peut-être là moyen pour les juifs d'avoir un argument pour obtenir certaines réparations, pour obtenir certaines choses. Et très vite, effectivement, Staline sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème principal, c'est la collaboration. Et ça, on le tait tout de suite. Il n'y a pas eu de collaboration, il n'y a eu que des soviétiques qui ont aidé et qui ont lutté contre l'envahisseur nazi. Et puis, Cécile Bessier, il y a dès lors, avec ce sentiment... Nous le sentons bien, que le livre noir pose problème à Staline de manière factuelle, parce que ce n'est pas bien de dénoncer la collaboration. Et puis cet antisémitisme grimpant pour Staline, autour de Staline, la volonté d'éliminer ces écrivains, mais au sens premier, ils sont arrêtés, ils sont tués. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, je dirais, sans du tout nier cette spécificité, on va avoir, après la guerre, en Union soviétique, dans ce qu'on appelle le second stalinisme, c'est-à-dire le stalinisme d'après-guerre, jusqu'à la mort de Staline, on va avoir répression sur répression. C'est-à-dire que les arrestations d'intellectuels juifs, de responsables juifs, s'inscrivent aussi plus largement dans des campagnes d'arrestation qui commencent en fait, et des campagnes de dénigrement, qui commencent en fait dès août 46 avec quelque chose qui paraît pourtant très très loin, c'est-à-dire la résolution du comité central dont on dit qu'elle est contre Armatova Isochenko, mais en fait elle est contre le monde littéraire, qui aurait pris, à, selon l'avis de Staline, un tout petit peu trop de liberté idéologique, qui se serait un petit peu éloignée, je dirais, de la seule idéologie, parce que les gens combattaient, que les gens démontraient leur loyauté. On a dans la foulée en 47 toute une campagne qu'on va appeler contre la servilité devant l'Occident, donc c'est la rupture. L'Occident était allié ou était, je dirais, les gens qui aidaient à avoir des armes encore peu de temps auparavant. En 47, on lance cette campagne très très forte. Et en 48, on lance la campagne contre les Juifs. Et il se trouve que toute une partie des Juifs visés sont aussi des intellectuels, sont aussi des gens qui s'intéressent à la culture, qui montent par exemple au roi. C'est-à-dire c'est déjà une pièce occidentale. Et en fait, on a addition de ces répressions les unes sur les autres qui vont faire que, effectivement, plus la volonté très claire de Staline, et qui sera poursuivie par la suite, qui sera poursuivie jusque la chute de l'URSS, de dire les principales victimes de la guerre, ce sont les Russes, sans du tout dégager la spécificité juive, où effectivement, quand les Allemands arrivaient, ils commençaient par flinguer tous les Juifs, et ensuite on discutait avec les communistes. Après, c'était le tour des communistes, plus exactement. Et il veut nier cette spécificité, et donc il va y avoir ces arrestations dans la lignée de toute une série d'autres arrestations. Donc effectivement, les auteurs, une partie des auteurs du Livre Noir, une partie des responsables du comité antifasciste juif vont être arrêtés, vont être jugés et vont être exécutés en août 1952 sans aucune raison valable à nos yeux. Et puis en 1953, Staline meurt. Écoutez ce que disait Elie Wiesel quand il reliait le stalinisme et la personne de Staline à l'antisémitisme. Alors, j'ai commencé à faire ma première recherche. Et j'ai trouvé que Staline, vers la fin de sa vie, était devenu fou. Mais vraiment fou. Fou d'haine, d'amertume. Il était déterminé, d'abord, à anéantir l'esprit juif, et ensuite à exiler, à déporter, donc finalement aussi à exterminer le peuple juif. Les camps étaient déjà là, prêts en Sibérie, et Solzhenitsyn en témoigne. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'en 1952, en août, le 12 août 1952, les plus grands écrivains juifs d'URSS, les plus grands poètes, les plus grands romanciers ont été assassinés, exécutés par les gens de Staline. Eh bien, moi, ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours inquiété et ça m'a peiné. Parce que je crois que la mort nous appartient. La mort m'appartient et personne n'a le droit de me priver de ma mort, même si j'acceptais à la rigueur le fait que la mort existe, mais elle est à moi. Or là, on s'est rendu compte tout d'un coup que le bourreau a privé ses victimes de leur droit à la mort. Car depuis leur disparition, on n'a plus rien entendu d'eux. Toutes les traces ont disparu. Voilà, Elie Wiesel qui dit cette phrase incroyable, personne n'a le droit de me priver de ma mort, sur France Culture. C'était en 1980. Il y a aussi de cela dans la volonté de faire un film. Ce film, c'est Vie et Destin du Livre Noir, la destruction des Juifs du RSS, Guillaume Ribault. C'est aussi ça, c'est ne pas oublier ceux qui ont combattu pour faire connaître les crimes nazis et qui ont eux-mêmes été victimes du stalinisme pour avoir dénoncé les crimes nazis. Oui, c'est ça. Vassili Grossman dit quelque chose de très beau dans un débat littéraire qu'il oppose à Ehrenburg sur comment, quel texte utiliser, comment rédiger ce livre. Les deux s'opposent, mais ont une cause commune et les deux formes de texte se retrouveront dans le Livre Noir parce que Ehrenburg, lui, veut que les faits bruts soient relatés, sans aucune réécriture. Vassili Grossman, lui, est un littérateur, c'est un écrivain. Et il veut, parce qu'il dit, et on le cite dans le film, il dit que les témoignages, ce sont les vivants qui parlent, mais les morts, eux, n'ont pas de voix. Et ce qu'il veut, grâce à la littérature, grâce au pouvoir des mots, il veut rendre une voix à ceux qui n'en ont plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, depuis que je travaille sur le thème de la Shoah, depuis plus de 20 ans, en tant que photographe, en tant que réalisateur, Elie Wiesel emploie le mot disparu. Et moi, je suis toujours habité par le travail de Roman Vichniak, le photographe, qui a édité un livre qui s'appelle Un monde disparu, où on parle de ce monde disparu, où on parle de, parce qu'on n'a pas fait qu'assassiner que les gens et leur corps, on a assassiné une langue, on a assassiné des coutumes. Et avec ce film, c'est, et avec Antoine Germain et toute l'équipe des films du Poisson, ma productrice Estelle Fialon, on était habité par ça. On voulait rendre une voix. Ça, c'est très important. Et les textes nous ont servi à ça. Le pouvoir de la voix, bien sûr. Pas n'importe quelle voix. Hein, Denis Podalydès, Hippolyte Girardot, Mathieu Amalric, et puis les textes, hein, Vassili Grossman, Ilya Rembourg et d'autres. Mais le pouvoir de l'image aussi, Guillaume Ribault. Nous parlons d'un film, il faut insister sur l'image. Exceptionnel au sens, les archives que vous avez retrouvées sont exceptionnelles, et puis ce travail que vous avez fait avec du cinéma soviétique de fiction. Oui, c'est très important, et ça je dois rendre hommage à la monteuse du film, Svetlana Venblat, qui a fait un travail exceptionnel avec moi. On a vraiment en fait, lorsqu'on utilise, on s'est dit on va utiliser le côté soviétique des images. C'est très important. On s'en méfie tous parce qu'on sait qu'il est gorgé de propagande, ce cinéma-là. Mais on l'a décontextualisé. Moi, je fais confiance aux images, mais il faut y réfléchir. En l'occurrence, on a utilisé des films de très grands cinéastes, des Einstein. L'ouverture du film, c'est la ligne générale des Einstein. Ce sont ces champs de blé dans le vent. On a utilisé les films de Marc Donskoy, qui fait une reconstitution quasiment parfaite des massacres de Babi Yar. Et je fais confiance aux images, mais comme je le disais, il faut les encadrer, il faut les recontextualiser, il faut vraiment les utiliser comme ça. Et il y a une beauté plastique absolument, pour moi, et comme pour Antoine Germain, je le sais, le cinéma soviétique des années 20-30 a posé les bases du cinéma moderne. Et ça, c'était vraiment très important. On a eu toujours ce souci de regarder le film. Les images vous semblent parfois inédites, mais c'est surtout qu'on les voit du côté soviétique. On est avec les soviétiques dans l'avancée. La narration du film est vue du côté soviétique. C'est peut-être ça aussi une des particularités de notre film. Oui, un film... Alors, qui a des particularités, sans doute, parce que nous le ressentons comme ça, qui a une esthétique, c'est une évidence, qui a un fond, qui a un discours, qui a une construction, qui nous aide à comprendre ce moment très particulier, qui est celui des persécutions nazies dans les territoires soviétiques, mais de manière plus large, en fait, sur la position de Staline par rapport aux Juifs et par rapport à la mémoire. Merci vivement à vous trois de nous avoir parlé de ce livre noir, Vie et destin du livre noir, la destruction des Juifs du RSS. Sera diffusé sur France 5 dimanche donc le 13 décembre à 22h40 dans la case du siècle. Et puis merci vivement Cécile Vessier, puis je rappelle vos ouvrages, hein, Le clan Mikhalov, Culture et pouvoir en Russie, ou encore Les ingénieurs des âmes en chef, littérature et politique en URSS 1944-1986. Merci vivement à vous trois. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, le béton armé en procès. Un matériau de construction peut-il porter le poids de l'histoire? Quelle est l'idéologie du parpaing? C'est la controverse courtoise exposée par Ludovic Lamant dans un article paru sur le site de Mediapart. D'un côté, Anselme Jappe et son dernier essai, écrit en réaction à l'effondrement du pont de Gênes en 2018. Tout ce monde se repousse actuellement les responsabilités et les Génois sont de plus en plus agacés parce qu'ils savent que ce pont Morandi était en mauvais état. Ça fait 20 ans, pour être franc, qu'il était rafistolé année après année et que chaque année, il était plus fragile, plus dangereux. Les Génois disent que cet accident, on l'a vu arriver et qu'il est temps que certains prennent leurs responsabilités. Pour le philosophe allemand, cet événement traumatique qui a attiré l'attention sur l'état de tous les ponts de taille comparable dans les pays voisins serait le résultat de l'invention de l'obsolescence programmée par le capitalisme, c'est-à-dire la production d'objets à date de péremption qu'il faut donc renouveler régulièrement afin d'alimenter sans cesse le marché. Le pont Morandi serait donc le symptôme de l'hubris du capitalisme et le béton armé l'incarnation de sa logique perverse et destructrice. De l'autre côté, Rudy Ricciotti, L'architecte du Mucem à Marseille, entre autres, est célèbre pour ses œuvres ajourées, republie un essai sur son affection sans bornes pour le béton, pourtant si mal aimé. Anti-lux par excellence, le béton armé est devenu le symbole des grands ensembles, des cités construites après la Seconde Guerre mondiale pour pallier la crise du logement. Le béton permet de construire vite et en grand nombre des habitations. Les bars et les tours sortent de terre et deviennent les totems des banlieues sensibles, alors que les quartiers pavillonnaires prolifèrent de leur côté. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Devenu une passion d'après-guerre, le béton armé a pourtant pris son temps pour trouver ses usages et ses adeptes. Philippe Dehan, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, revient sur son histoire dans un cours en ligne et montre comment ses premiers promoteurs, tels que François Hennebic, ont d'abord dû se contenter de construire leur propre maison en attendant de pouvoir persuader les architectes de l'intérêt de ce nouveau matériau de construction capable de faire en grand. À la fin du XIXe siècle, si le béton armé prolifère, c'est dans les sous-sols, les fondations de bâtiments qui ne sauraient tolérer sa présence dans leur partie apparente. Mais aussi dans les constructions techniques, les ponts, les usines. Ça n'est que plus tard, à la veille de la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres, que le béton devient le matériau des révolutions esthétiques et architecturales, avec les réalisations de Walter Gropius et du Bauhaus et de Le Corbusier. Le divorce est là entre l'usage social et à minima du béton armé dans les logements populaires et les expérimentations qui se poursuivent aujourd'hui encore du côté de l'architecture de prestige. Sans départager les auteurs de cette histoire esthétique et politique du béton armé, admettons que ces usages sont peut-être davantage en question que le béton lui-même. Voilà qui est dit. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous sommes intéressés à l'histoire des cuisines à travers le monde. Cuisine chinoise, cuisine antique, la Rome antique, cuisine japonaise, le méchoui et le couscous aussi. Des émissions à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Budels, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Toute la semaine prochaine, nous allons jouer, oui, jouer en société, mais d'où viennent les règles du jeu ?